force fell. Here's another shot. Fight by the door. And it does. And scores the Capitol. Alors donc, 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont comme... Tire le bouton. Et le but. C'est long et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rouge et Or. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduit de partie, l'émission qui chaque semaine vous parle. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui a mis le repeat dans mon Winamp? Ça là, c'est le matin de fin de soirée. Oh, pas capable, pas capable, pas capable. Non, c'est une joke. Donc, avant de me faire couper par une sonnerie de bateau, ce que je m'en allais dire, hey, c'est notre nouveau thème, l'aimez-vous, monsieur? Oui, hein? C'est ça, en fait, c'est que c'est tellement le nouveau thème qu'il voulait revenir immédiatement. Revenir. On conclura l'émission avec... Ben, écoute, hein, c'est, hein? Pourquoi pas. Ou deux heures de thème. Ouais. Cette semaine à l'émission, ben, c'est ça, ce que je m'en ai dit, le conduit de partie, l'émission que chaque émission, parce que c'est chaque semaine, on est maintenant aussi les lundis, là, vous êtes dans votre rendez-vous hebdomadaire du vendredi, mais maintenant on est bi-hebdomadaire, donc les lundis aussi. On vous parle de sport de partout à travers la planète. Bon matin, messieurs. Bon matin. Bon matin, Marc-Antoine. Bon matin, Philippe. Bon matin. Bon matin. Alors, c'était aujourd'hui, on a quand même une grosse émission, je vous dirais, pour vous à la maison, dans vos automobiles, au travail ou avec votre iPod, iPhone ou tout autre objet qui commence par « i ». On commence avec, on va avoir dans l'émission, premièrement, on va parler avec Jonathan Bernier de ruefrontenac.com qui va nous parler du Canadien. Il va nous parler aussi du nouveau format du match des étoiles et Jonathan qui, à son avis, ne voit pas le Canadien de Montréal faire les séries cette année. Donc, on va parler de ça avec lui. Je pense pas que c'est tout le monde qui va être d'accord avec ça. On va parler aussi avec Guillaume Boyeux du centre de ski Vallée du Parc qui va nous entretenir sur le début de saison. Et on est rendu un peu comme pas loin de la mi-saison. Là, du côté de Vallée du Parc et des stations de ski. On va parler avec Normand Meunier, entraîneur-chef des Dragons du Collège de la Flèche, à propos du défi collégial qui va se dérouler cette fin de semaine dans la Ligue collégiale de hockey. On va parler des Patriotes. On va parler avec JP Grenier qui va nous en retenir à propos du championnat national remporté par les Tigers d'Auburn. Quelle fin incroyable! Quelle fin plate! Ben, bizarre! Ah, c'est... Non? C'est... On va en parler. Remporté tout juste par les Tigers d'Auburn. Et pas de ça, on a-tu d'autres choses? Je pense que c'est ce qui remplit pas mal l'émission. Donc, une émission plutôt remplie. Alors, on va parler de la NFL aussi durant le segment GP. Mais allons-y avec les Patriots. Donc, les Pats étaient en action c'était mercredi. Les Stingers de Concordia étaient en ville pour affronter les Patriots. Et on s'est beaucoup compliqué la tâche du côté des Patriots. On l'a tout de même emporté par la marque de 6-5 contre les Stingers, mais dans un match totalement dominé par les Patriots. Beaucoup plus d'action que contre Queens le dimanche passé. Oui, ben contre Queens, ça s'était réglé en l'espace de 10 minutes environ. 3 buts du côté des Patriots et c'était terminé. On avait plié bagages, plié les chines du côté des Golden Girls. Mais les Pats ont rendu ça plus intéressant que ça aurait dû l'être. Ben, le match était terminé beaucoup... Oui, le match a été terminé 2-3 fois. Ouais, 2-3 fois. Écoutez, je vous raconte un peu, je vous dis le sommaire du match. Premièrement, Concordia qui commence tôt dans la partie avec un but. C'est François Langto-Macott qui fait son premier. Après ça, l'UQTR va ouvrir la marque, va ouvrir les vannes du barrage, devrais-je dire, avec 4 buts. 2 en première, 2 en deuxième. C'est tout d'abord Guillaume Chicoine à 16 minutes 7. Finalement, Jean-Sébastien Breton qui fait son 9e en avantage numérique alors qu'il restait moins d'une minute à la première période. En deuxième période, c'est le Donovan Show qui commence à 1 minute 6 et 2 minutes 46 de la période. 2 buts pour Donovan, des aides à Desjardins, les 2 buts, ainsi que Breton et Lessard pour chacun des buts. 4 à 1, là, on se dit, bon, ben, ça y est, les Stingers ont perdu leur dard et ça va aller se coucher, ça va se terminer plutôt aisément. Non, pas vraiment. Alexandre Monahan et Charles-Antoine Messier sont venus compter deux fois du côté des Stingers. Monahan et Messier, là, une chance qu'il y a eux du côté des Stingers. C'est pas mal le seul point positif qu'on a pu voir du côté des Montréalais sur la glace. Mais ils étaient partout. Monahan, là, pour vous dire, dans la partie, on parle d'une récolte de 5 points, 2 buts, 3 passes. Messier, 4 points de son côté. Et pour terminer la deuxième, bon ben, je l'avais dit, c'était rendu 4 à 3. Olivier Donovan complète son tour du chapeau. Donc, un tour du chapeau en une période. Des aides à Charlin et Petit sur le but. Et Charlin va venir faire son 15e but de la saison. Aide à Demers et Petit en fin de deuxième période. Bon, ben là, on est passé de 14, on est rendu à 6-3. Bon, c'est fini, hein? On se dit que c'est fini. Et là, en troisième période, alors que les Patriots ont dominé les deux premières périodes de bout en bout, Alexandre Monahan et Kyle Orsini qui sont venus compter. Orsini restait moins d'une minute au match, donc ça rend ça encore plus serré. C'est 6-5. Je veux bien croire que le match était sur les ondes de TV Cogeco, mais c'était-tu nécessaire de donner un show tant que ça? Et d'ailleurs, TV Cogeco qui diffusait le match en direct, mais le match sera rediffusé ce soir à la grandeur de la province. Donc, les gens d'ailleurs vont pouvoir voir un peu les Patriots et les Stingers et le type de hockey que ça offre. Malheureusement, les Stingers ne pourront pas voir ça parce que sur l'île de Montréal, je crois que c'est seulement Vidéotron. Je ne crois pas que TV Cogeco soit dans le coin Cogeco, tout simplement. Donc, ça se termine 6-5 en faveur des Patriots. On peut dire, écoutez, les tirs, là, quand je vous parle de domination, c'est 39-25 pour les Pats. Mais après deux périodes, les Patriots n'avaient accordé que 12 tirs au filet. Et vraiment, là, c'est une troisième période qui était difficile. On peut parler aussi de la performance de Jean-Christophe Blanchard qui n'a pas été fameux, n'a pas été aidé non plus de la part de ses défenseurs qui ont commis quelques erreurs un peu gênantes, devrais-je dire. Tout de même, Blanchard a arrêté en deuxième période Mike Stenzani en lancer de punition, donc ce qui a sauvé un peu la mise. Imaginez un but dans ce cas-ci, on parlerait d'un match de 6-6. C'est moins intéressant un peu au niveau de l'affiche, mais du côté des Pats, on va chercher les deux points. Je me suis entretenu avec le héros du match, Olivier Donovan, à savoir, comment il avait vu la partie et comment il aimait ça jouer avec ses partenaires de trio. Genre de match que t'aimerais avoir à tous les coups, c'est 3 buts, puis Tagamo, t'as été aisément le meilleur joueur sur la patinoire. C'est sûr qu'avec mes compagnons de trio et qui que je joue, ben, ça rend les choses plus faciles. Desjardins puis Breton, ils passent bien à rondelle, ils bougent les pieds, puis c'est facile de jouer avec ces deux gars-là. Puis aujourd'hui, ben, ça tombe que c'est sur moi que la rondelle elle arrivait dans l'enclave, puis j'ai profité de mes chances. Et quand même, les trios ont été beaucoup chamboulés depuis le début de la saison, sauf ça, t'as l'air d'aimer ça jouer avec ces trois gars-là, donc ça, ça reste comme ça d'ici la fin de la saison? Ben, je pense qu'avec n'importe quel gars qui qu'on joue, c'est super au moins, parce que tous les gars donnent le meilleur de qu'est-ce qu'ils peuvent, puis moi, je suis prêt à jouer avec tous les gars dans l'équipe. J'ai confiance en eux, puis on a une bonne attaque, donc n'importe quel joueur, ça me dérange pas. Genre de match que t'aimerais avoir à tous les coups, c'est 3 buts. Encore. T'as le repeat assez prononcé. J'ai le repeat fort un matin, non, c'est que t'as 2 Winamp, hein, fait que l'autre, tu pas. Regardez ça, là. Je vous le promets, plus de répétition pour le reste de l'émission. Je vous le promets, plus de répétition pour le l'émission. Non, mais donc, comme on a pu entendre, Olivier Donovan, pas le genre de gars à prendre le crédit pour lui et vraiment pas... écoute, il redistribue le crédit plus vite que Robin Desbois redistribuait l'argent des riches aux pauvres. Dans son cas, quoi? Quel lien particulier. Ben, particulier, Robin Desbois. C'est correct. C'est bon. On va le prendre. Ouais, c'est ça. T'as-tu mieux? Non, ben, bah, vite de même, non. Parle-moi de quelqu'un qui redistribue. Ah, écoute, c'est ça. Jésus avec le pain et les poissons, je sais pas, là. Non, c'est mieux, Robin Desbois. On s'égare. Ah. Donc, non, mais vraiment, Olivier Donovan, pas le genre de gars à prendre le crédit pour lui seulement, malgré le fait que, écoute, quel match de sa part. Son trio qui complète avec Breton et Jeff Desjardins a été, tant qu'à moi, le meilleur trio sur la glace. Jeff Desjardins, qui n'est pas un joueur que j'avais beaucoup apprécié en début de saison, je trouve que c'était long pour lui à démarrer, à s'acclimater avec Trois-Rivières. Mais depuis quelques matchs, là, depuis les deux derniers matchs avant la fin de avant la pause de Noël, et contre Queens et contre les Concordia cette fois-ci, beaucoup mieux de son côté. Je peux pas expliquer pourquoi, là, ça c'est difficile à dire, mais il dispute du bien meilleur hockey. Et avec Olivier Donovan et Jean-Sébastien Breton, ça semble se compléter. On va aller écouter les commentaires de Jacques Laporte. Je lui ai demandé de nous parler d'Olivier Donovan, justement, qui a réussi son tour du chapeau dans cette partie. Donovan, c'est le meilleur marqueur Midget 3, c'est le meilleur marqueur Junior 3, c'est notre meilleur marqueur à nous autres aussi. Et l'an passé, il y avait moins un rôle offensif parce que c'était plus congestionné, disons. Là, cette année, on lui laisse cette liberté-là, mais il apprend bien. T'sais, mais c'est un gars qui a l'air qui rebondit tout le temps dans le trafic, capable de jouer, capable de scorer des buts, capable d'être un passeur excellent. À un moment donné, c'est un power play, paf, laisse le face-off à Félix Petit. T'sais, il donne la rondelle, dégaine rapidement. Il est comme désarmant pour l'autre équipe, pour un gardien de but aussi. Puis, qu'est-ce que vous avez attiré quand vous l'avez observé dans le junior 3? Ouais. Son parcours auparavant, tu sais. Junior 3A, tu sais, il a commencé, bang, puis à 17 ans, lentement, 18 ans, bang, 19 ans, bang, premier compteur. Mais Jet 3, même affaire, commence lentement, bang. Tu sais, quand tu vois qu'un gars, à chacune des catégories qu'il fait, il produit, c'est parce que c'est un peu inné en lui. C'est pas un hasard, là, que lui, là, il tire. À un moment donné, il dit, il a une capacité d'adaptation à tous les niveaux dans lesquels il est passé. Ça, c'est une belle qualité d'un joueur de hockey, qui a la capacité de s'adapter. Il n'y a pas de junior majeur, les gars, qui vont faire le job. Ça va être sûrement la raison qu'ils ont donné, je sais pas, là. Mais je pense qu'elle a été capable de se débrouiller là, quand tu regardes ça. Oui, en effet, je suis pas mal sûr qu'Olivier Donovan aurait été capable de se débrouiller junior majeur, mais comme on l'a dit du côté de Jacques Laporte, à 5 pieds 7, Olivier avec des patins, ça c'est difficile pour lui de se faire un nom, mais c'est quand même étonnant, là, je veux dire. Un champion midget 3A au niveau des points qui est pas capable de se classer dans la Ligue du junior majeur du Québec. Le problème est peut-être ailleurs. Je pense pas que le problème était de la part d'Olivier Donovan. Ça me semble plutôt clair. Du coup, les Patriotes pourraient dire merci à l'avantage numérique aussi, parce que sinon, sans l'avantage numérique lors du match de mercredi soir, oui, je crois pas que... On parle 4 premiers avantages numériques, 4 buts. Par la suite, là, j'ai peut-être un peu perdu le compte, mais il me semble que 4 en 4. On est 3 en 5, à vrai dire, des Patriotes. Tu veux, je l'avais même pas. Le but de Breton, un but de Donovan, deux buts de Donovan plutôt en avantage numérique. Ce qui est pas mauvais, parce que l'avantage numérique à date du côté des Patriotes cette année, ça laissait un peu à désirer. Par contre, aussi, le désavantage numérique n'a pas été fameux. On parle de 2 en 5 du côté de, donc on va dire qu'on pourrait profiter de deux chances de marquer. Non, plutôt on marquait 2 fois sur 5 chances. Et comme j'ai dit, du côté de Blanchard, je pense qu'on est on doit s'attendre à plus de son côté et ça entre un petit peu trop. Je serais pas étonné peut-être ce soir de voir Vincent Lamontagne devant les filets. Je pense voir Vincent Lamontagne devant les filets obtenir quelques départs. Lui qui a montré des belles choses, des très belles choses junior 3A, mais a montré quand même des belles choses aussi cette saison face entre autres aux Lancers de Windsor. Donc ça serait étonnant de voir un petit peu plus de Lamontagne devant les filets. Au niveau du classement, on est présentement au deuxième rang du côté des Patriotes avec on est à 10 points des Redmen de McGill qui sont toujours tout feu, tout flamme. Aucune défaite en temps régulier. Ont un match toutefois de plus en main que les Patriotes. De toute façon, je pense pas que c'est le but premier du côté des Patriotes que de battre McGill. Je pense plus qu'on... De rejoindre McGill, devrais-je dire. On devrait plutôt... on va plutôt focusser à entrer fort en série. On a du côté des Pats, on a 4 points d'avance sur Carlton qui sont au troisième rang. Carlton dispose d'un match en main. Et Nipissing vient au troisième rang avec 23 points. Les futurs adversaires des Patriots, les GGs d'Ottawa, sont au cinquième rang avec 21 points en 19 matchs. Du côté de l'Ouest, c'est Western qui est toujours au premier. Eux ont subi leur première défaite en temps régulier. C'était cette semaine. Donc, ils ont 31 points et ils ont une avance de 3 points sur leur Laurier qui sont en deuxième position, mais toutefois Laurier dispose de 2 matchs en main. Ce soir, les Patriotes reçoivent justement les GGs d'Ottawa, j'en parlais. C'est à 19h15 à l'Arena Claude-Mongrain. On va aller écouter les commentaires de Jacques Laporte à savoir à quoi est-ce qu'on peut s'attendre face aux GGs. Ils ont deux de leurs joueurs qui sont dans les meilleurs dans les 5 meilleurs compteurs de la ligue. Ils ont sûrement une bonne attaque. T'sais, c'est une équipe qu'on va avoir à affronter 4 de nos 9 derniers matchs, moins de contre eux autres. On a très peu d'informations sur eux autres, mais chose certaine, ils nous ont causé des problèmes à chaque année, eux autres ici. Puis c'est surtout pas tout à fait de la même façon qu'il va falloir entreprendre le match. Ça, c'est sûr. Je pense que le point important dans ce que Jacques Laporte vient de dire, c'est qu'on affronte Ottawa, quatre fois d'ici la fin de la saison. Donc, beaucoup de matchs contre les GGs. Et ça, je pense qu'il faut partir fort dans cette séquence-là. Parce que des matchs pour les Patriots, il n'en reste pas beaucoup là, d'ici la fin de la saison. Là, il en reste à peu près 8, si je me trompe pas. Donc, là-dessus, il y en a 4 contre Ottawa. Il y en a encore 2 contre Concordia. On va aussi affronter Carlton. Donc, c'est tous des matchs dans la division. Tous des matchs plutôt près de la maison aussi. Et c'est des matchs qui vont compter énormément du côté du classement, particulièrement contre Carlton. Donc, ce soir, 19h15, à l'Arena Claude-Mongrain. Au niveau du top 10 masculin, pas beaucoup de changements. Par contre, on peut voir que UNB et Alberta ont interchangé leur position au numéro 1 et numéro 2. UNB, Université du Nouveau-Brunswick. En troisième position, c'est toujours McGill. Quatrième, St. Mary's et cinquième, Western Ontario ont changé leur position. Et finalement, l'UQTR vient au dixième rang. Donc, pas d'équipe qui sont... toutes les équipes qui sont dans le top 10 n'ont pas changé. On va maintenant parler du Patriot de la semaine. C'est par rapport à la dernière compétition qui s'est déroulée en fin de semaine passée au volleyball. Donc, première Patriot de la semaine au volleyball, c'est Kim Gladue, qui a connu une excellente performance lors de la Coupe de l'Est du Canada qui se tenait au Cégep de Nimoilou le week-end dernier. Avec 52 attaques marquantes et un pourcentage de réussite de 96%, Kim a permis au Patriot de terminer au deuxième rang de son groupe avec 3 victoires en 4 parties et d'accéder à la demi-finale de la compétition. Donc, pour une première compétition du côté du volleyball, c'est un bon résultat. On sait que c'est pas la division 1, c'est la division 2, mais on débute. Et Kim étudie présentement au doctorat en lettres, donc une future docteur dans son cas. Félicitations à elle. En fin de semaine, c'est la Coupe universitaire 3. C'est en direct de l'Université de Laval en natation. Les équipes des Patriotes qui vont tenter de se démarquer. Merci, je cherchais le nom. On va d'ailleurs avoir, probablement, je suis curieux de voir les performances que certaines ont. On a une nouvelle nageuse du côté des Patriotes qui s'est jointe à l'équipe cette année et qui a été très performante lors de ses premières compétitions. C'est Caroline Lapierre-Lemire je suis curieux de voir ce qu'elle va faire parce que ça a plutôt bien été à date dans les deux premières compétitions pour elle. On est curieux de voir ce qui va se passer. Soccer! La saison intérieure de soccer débute en fin de semaine. C'est ici à Trois-Rivières, au Centre sportif Alphonse Desjardins. Tout d'abord, les filles vont recevoir les Lady Gators de Bishop. Chez les filles, on parle du retour de Marie-Michelle Lapointe qui était blessée, fait 2 ans. Là, elle était avec l'équipe il y a 2 ans, n'a pas joué la saison dernière. Ça va faire beaucoup de bien. Par contre, Marie-Michelle est toujours ennuyée par une blessure. Donc, elle va tenter de jouer avec la douleur. On va voir ce que ça va donner dans son cas. Du côté des hommes, ils vont recevoir l'Académie de l'Impact de Montréal. Donc, la fameuse Académie de l'Impact, ça va se dérouler. Je pense que l'Académie affronte toutes les équipes de la Ligue. Question de faire de la mise en forme durant l'été. Pas durant l'été, plutôt. Hein, un peu de recrutement aussi. Par croisement. Ben, semble-t-il que non. De la façon que Pierre Clermont m'expliquait ça, et dans le fond, je l'ai en entrevue. On va aller écouter l'entrevue. Allons-y donc. On va aller écouter l'entrevue que j'ai faite hier avec Pierre Clermont par téléphone, à savoir à quoi est-ce qu'on s'entendait du côté des Patriotes pour la saison. Écoute, Pierre, je l'ai parlé du début de saison de soccer intérieur qui débute cette fin de semaine au Centre Alphonse Desjardins. C'est dimanche? C'est dimanche, oui. OK. Les filles vont affronter Bishop, les gars contre l'Académie de l'Impact. Du côté des gars, surtout vu que c'est plus ton domaine, un match contre l'Académie de l'Impact, ça représente quoi exactement pour eux? Pour eux, pour les Patriotes ou pour l'Académie? Non, les deux. Je pense que la question se pose bien du côté des deux côtés. Ben pour les Patriotes, c'est évident que c'est un match. Première des choses, on a joué l'année passée contre eux. C'est pas la première année. L'année passée, on était la seule équipe universitaire à remporter une victoire. On a gagné 2-1 contre l'Académie. Donc, naturellement, cette année, c'est une bonne préparation parce que c'est un match amical. Donc, c'est une bonne préparation pour le début de la saison qui va avoir lieu vraiment officiellement dans 2 semaines. C'est sûr que pour nous autres, c'est le meilleur match hors concours qu'on peut avoir. Là. Le calibre, à quel point le calibre entre l'Académie et l'Université est différent? En fait, l'Académie, sont des jeunes de moins de 21 ans. Okay. Qui sont l'équipe réserve de l'Impact de Montréal, du club professionnel. L'année passée, l'ancienne attaque, là, un peu, là. L'ancienne attaque, mais, moi, t'avoues, drôlement différent, parce que l'académie, l'année passée, les jeunes ont eu 260 entraînements dans l'année. OK. Ce qui n'était pas le cas avec l'attaque. C'est vraiment les meilleurs jeunes, moins de 21 ans au Québec, qui sont là. Fait que c'est sûr qu'on rencontre un niveau de jeu qui est supérieur en termes de potentiel individuel que ce qu'était l'attaque. Qu'est-ce qu'était l'attaque, ça c'est sûr. L'attaque avait des joueurs un peu plus expérimentés. C'était peut-être une meilleure équipe, mais là on rencontre des individus qui ont un très très fort potentiel pour éventuellement évoluer dans les pros. C'est bon. Je voulais savoir, on se prépare comment? C'est quoi la différence au niveau préparation entre la saison intérieure et la saison extérieure? Y a-t-il beaucoup de différence dans le jeu? Il n'y en a pas vraiment parce qu'on joue à 11 contre 11 quand même. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. C'est certain que pour nous autres, c'est une poursuite là, de la saison d'automne. Qui avait été bonne, la saison d'automne, quand même? Pas à notre goût. Pas à votre goût, OK. Non, pas à notre goût. Les joueurs étaient déçus. On avait un très bon groupe, un excellent groupe. On a encore un excellent groupe. En plus, se sont ajoutés trois éléments importants là, cet hiver. Mais on n'a pas atteint le classement qu'on désirait. Je pense que les résultats reflétaient pas bien la valeur de notre groupe, là. Puis notre classement a déçu beaucoup, déçu tous les joueurs qui disaient notre valeur c'est plus que ça, là. On vaut plus que ça dans cette ligue-là. On n'aurait pas dû terminer cinquième. On pense qu'on est meilleur que ça. Ouais, on est capable de pas mal plus que ça. Fait que cet hiver, c'est certain que c'est une poursuite. Ça va être la poursuite. L'objectif, c'est de finir en troisième position cet hiver. Tu me parlais d'éléments importants qui sont ajoutés à l'équipe. On parle de qui exactement? On parle de Gabriel Lehouillier. Gabriel, c'est un jeune qui a évolué au Cégep de Trois-Rivières. Et puis, un jeune arrière qui vient jouer comme arrière-gauche. C'est un poste où on n'avait pas vraiment de gaucher. Donc, ça fait vraiment plaisir. On a deux joueurs internationaux qui arrivent, deux étudiants étrangers qui sont Ibrahima Kidjera. Ibrahima, c'est un Français qui joue au poste d'arrière-centre. Il peut jouer aussi latéral. Un gars qui vient de la région parisienne qui a beaucoup d'expérience. Et puis, on a un jeune Tunisien en milieu de terrain, un joueur très technique qui s'appelle Saïf Daoui. Et puis, Saïf, c'est un jeune qui va apporter beaucoup de vitesse à notre milieu de terrain. Puis on est content de ces trois ajouts-là. Je dois avouer que les deux étudiants étrangers sont deux surprises. On savait que Gabriel était pour soi dans nous autres à l'hiver, mais les deux autres sont deux belles surprises. C'est bon. Parle-moi un peu de Vedran Fustar, qui avait quand même connu, je pense, une belle progression l'automne dernier, qui s'est avéré être un joueur extrêmement important pour vous. Ouais, puis je dois avouer que si on se fie aux trois entraînements que Vedran a fait cette semaine, il continue sur la même lancée. Il a vraiment pris son air d'aller. Ça va être un gars important. C'est un gars qui était un gros gabarit, un gars qui a une excellente frappe. Il est capable de marquer des buts d'un peu partout. En bout de ligne, ça va être un élément important en attaque. Lui, avec Émile Dufour-Galland, c'est deux joueurs qui peuvent apporter à notre offensive. Et puis, ce sur quoi on va porter notre attention, surtout, ça va être d'avoir un meilleur différentiel de but pour but contre durant la saison d'hiver. Donc, c'était Pierre Clermont, entraîneur des Patriotes masculins, qui nous parlait du début de saison de l'équipe et qu'on espère. On vise quand même une troisième position du côté des Patriotes et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La dernière nouvelle sur les Patriotes, c'est avec une tristesse profonde que les membres des Patriotes de l'UQTR ont appris le décès de M. Jean-François Auger, décédé le 6 janvier 2011 à l'âge de 37 ans. M. Auger a agi en titre d'entraîneur de l'équipe de golf des Patriotes de 2003-2010. Il a été aussi cofondateur du programme de golf de l'UQTR et a été commissaire de circuit universitaire de golf de 2003-2005. Donc, l'équipe de l'inconduite de partie tout souhaite ses sympathies à toute sa famille. On va aller à une pause sur cette note au retour. On va parler avec Jonathan Bernier de ruefrontenac.com qui va nous parler du Canadien de Montréal. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Et nouvelles sont une présentation de l'inconduite de partie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Islanders de New York hier soir par la marque de 6-4. Kevin Poulin a débuté la rencontre devant la cage des Islanders, mais a cédé 2 fois sur 8 tirs. Il a alors été remplacé par Nathan Lawson, qui a réalisé 15 arrêts sur 19 tirs. Mike Camilleri est ennuyé par un streptocoque de type A. Il pourrait rater la rencontre de samedi face aux Rangers de New York. Le gardien québécois José Théodore s'est blessé à Nantes, selon le Star Tribune. Le Wild, qui était privé de leur gardien numéro 1, Niklas Backstrom, devra se retourner vers les services d'Anton Khudobin lors de la partie de ce soir contre l'Avalanche du Colorado. Du côté de Dallas, les Stars ont échangé l'attaquant suédois Fabian Brandstrom en retour de l'allié droit des Maple Leafs de Toronto, Mikael Stefanovic. Toujours à Toronto, Ron Wilson écopera d'une amende après avoir donné une récompense monétaire à ses joueurs qui lui ont permis de récolter sa 600e victoire dans la Ligue nationale mardi à San Jose. Ce geste venait enfreindre une règle du plafond salarial qui stipule qu'un joueur ne peut recevoir aucune récompense monétaire de l'organisation sans que celle-ci apparaisse à son contrat. 3 rencontres étaient disputées hier soir dans la ligne de hockey junior majeur du Québec. Tout d'abord, les Titans de l'Acadie batteuse l'emportent 5-3 contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. À Lewiston, les Maniacs l'emportent par un pointage de 9-3 contre les Moussettes d'Halifax. Et le junior de Montréal, qui rendait visite aux Huskies de Rouyn-Noranda, l'ont emporté 5-1. À Rimouski, le défenseur Patrick Doré est suspendu pour 3 rencontres après avoir livré un coup à la tête d'un joueur des Wildcats de Moncton dimanche dernier. Dans le dossier Coupe Memorial 2012, les Cataractes de Shawinigan tenteront de persuader le jury de sélection le 11 février prochain afin de démontrer que Shawinigan est la ville la mieux placée pour recevoir le tournoi. Au soccer, l'Impact a conclu une entente d'un an avec le défenseur central Hicham Aboubou. Aboubou, âgé de 31 ans, disputera sa 4e saison avec le club montréalais. Mouvement de personnel dans la NFL. Les Broncos de Denver ont embauché l'ancien entraîneur-chef des Panthers de la Caroline, John Fox, afin de remettre leur équipe sur pied. Et à Cleveland, Pat Shurmur est le nouvel entraîneur-chef des Browns. Il devient le 5e entraîneur de l'équipe depuis le retour des Browns à Cleveland en 1999. Et en sport de glisse, Cédric Gagnon a remporté sa première victoire en carrière dans le circuit de la Coupe GMC de ski alpin jeudi en gagnant le slalom masculin, tandis que Laurence Valran a gagné le slalom féminin. Et finalement, au hockey universitaire, les Patriots seront en action ce soir contre les GGs de l'Université d'Ottawa à 19h15 à l'aréna Claude Mongrain. C'était nos nouvelles sportives de l'inconduitedeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Miroir déformant, fornication stérile. Et c'était Ariel avec la chanson Après le crime. T'avais pas promis, il y a un autre repeat. Mais non, là, il y a un autre. Non, c'est pas un repeat. C'est pas un repeat, c'est la suite de l'autre. C'est la suite de l'autre. Quelqu'un a mis ça en continu. Hey, un matin, là. Ah, c'est Mathias à la console, là, qui a beaucoup de difficultés. Ouais, on a un jeune stagiaire c'est à la console. Elle s'est jouée avec nous directement de Montréal, l'Assomption. T'étais où, là, Jonathan? Là, je suis à l'Assomption. Je pars pour Brassard là, après vous avoir parlé tantôt. D'accord. Donc, Jonathan Bernier de ruefrontenac.com, notre chroniqueur canadien de Montréal. Jonathan, je regardais un peu. Écoute, veux-tu nous dire ce qui se passe dans le ruefrontenac.com de cette semaine? Vas-y. Oui, tu étais bien parti. Vas-y. OK. Pendant le temps des fêtes, on a eu une petite relâche à ruefrontenac. Fait que, vous avez le droit. On a eu le droit ce soir. On a une récompense pour notre bon travail. Donc, notre coordonnateur nous a demandé aux cinq gars qui suivent le Canadien de prédire si le Canadien allait faire les séries ou pas. OK. Étant donné qu'il était à ce moment-là 8e, là, donc les questions se posaient. D'ailleurs, elles se posent toujours. Alors, il fallait dire si le Canadien allait faire les séries ou pas et donner 5 raisons d'une façon ou d'une autre, là, peu importe notre allégeance. Fait que moi, ma façon de procéder... Je me suis assis à ma table de cuisine, j'ai séparé ma feuille en deux. Je me suis dit, je me donne une demi-heure, puis la première colonne que je remplis, oui ou non, avec mes 5 raisons, ça va être ma décision. Oh boy, façon intéressante de faire ça. Ouais, parce que j'étais tellement incertain, étant donné que justement le fait que les Canadiens étaient 8e, puis que le classement est serré entre les 9 ou 10 premières équipes, là, je vais y aller comme je vais me mettre neutre là, sans parti pris, puis la première colonne qui sera remplie, ce sera ma réponse. Alors j'en suis arrivé avec le verdict que le Canadien ne fera pas les séries éliminatoires. Ouh. Alors, et pourquoi? Bon, ouais. Premièrement, parce que le Canadien a perdu ses deux piliers à la défense, le pilier offensif André Markov et aussi celui qui effectue un des travails là, les plus fiables en défense, en Josh Georges. Vous allez me dire qu'on est allé chercher James Wisniewski, mais c'est correct pour remplacer Markov jusqu'à un certain point, mais on se rend vite compte là, qu'en zone défensive, c'est pas toujours évident, ce qui est correct là, dans le fond, là, mais quand tu parles de remplacer deux joueurs, là, ça prend deux joueurs pour remplacer deux joueurs, alors que nous, ouais, on en a un seul. Puis Wisniewski, ouais, c'est ça. Au niveau des carences défensives, c'est pas lui qui va venir remplacer Markov. Au niveau offensif, peut-être, mais non, ça nous prendrait un autre défenseur pour venir remplacer ça. Il amène un aspect robustesse, par contre, qu'on n'avait pas ni avec un ni avec l'autre. Et un défenseur droitier aussi, ouais. Ce qui est un autre point positif. Mais je pense que c'est une bonne acquisition, Wisniewski. On n'en avait pas parlé, comme on n'avait pas d'émission pendant ce temps-là. Mais rapidement, qu'est-ce que tu penses de l'acquisition de James Wisniewski? Ben, moi, j'étais très heureux d'apprendre la nouvelle quand le Canadien est allé le chercher, justement, parce qu'il venait remplacer André Markov et qui est un spécialiste de l'avantage numérique, là, ce qui manquait depuis que Markov était blanc. En fait, ce qui a manqué toute la saison, parce que Markov a joué seulement 7 rencontres. Et puis, comme vous autres, j'ai remarqué son aspect robustesse. Je suis allé voir sur YouTube, d'ailleurs, des vidéos de certains combats et certaines mises en échec dans les années passées. Puis on se rend compte que même s'il mesure seulement 5 pieds 11, là, c'est les mêmes mensurations que Marc-André Bergeron, je dirais, là. Mais justement, l'aspect robustesse en plus. Là, c'est comme le plus-value dans le cas de Wisniewski par rapport à ce que pouvait apporter Bergeron l'an dernier. Il avait d'ailleurs fait, si je ne me trompe pas, là, une mise en échec assez dévastatrice. Je crois que c'est sur Jonathan Toews l'an dernier. Sur un des défenseurs des Blackhawks. Là, ah oui, c'est ça. Je ne me souviens plus lequel, c'est Seabrook ou... je pense que c'est Seabrook. Je pense que c'était Seabrook, exactement. Là, j'ai un flash. Là. Ben, effectivement, là, c'est lui qui avait asséné cette série de mise en échec là. Cet assaut-là, je pourrais dire même, là, étant donné qu'il avait sauté pour le frapper. Étonnant qu'un gars comme lui ait fait autant d'équipes. On en parle. On en est à sa 4e équipe du côté de Wisniewski en si peu d'années pour quelqu'un qui a des statistiques quand même intéressantes au niveau offensif. Je compte aller le rencontrer justement pour lui parler de ça, pourquoi il a fait des rendus à 4 équipes en 4 saisons finalement là. Comment il explique ça? Est-ce que c'est justement juste des problèmes en défense ou question de chance aussi? Il y a de la difficulté à s'entendre avec les entraîneurs ou je sais pas, tu sais, peut-être qu'il probablement qu'il me répondra pas là-dessus, mais je vais quand même lui poser la question parce que ça m'intrigue aussi. Hein. Donc, reviens-nous là, avec les séries. Oui, donc ça, c'était ma première raison. Puis en fait, là aussi, Pierre Gauthier disait que, ah oui, on a perdu Markov et Georges, mais là, on a quand même de la profondeur. Puis bon, ben moi, dans mon texte, j'ai écrit que la profondeur en termes de nombre égale pas nécessairement la profondeur en termes de qualité. Puis Kiss Souban, moi, je l'aime beaucoup comme défenseur. Il a un bel avenir, mais il n'était pas encore de la trempe de Markov. Et puis, pour ce qui est de Weber, j'ai de la misère à me faire une idée sur lui. Je trouve qu'il ressort pas beaucoup là comparativement à ce qu'on aurait pu s'attendre avec le temps passé à Hamilton. Donc ça, c'était ma première raison. La deuxième raison, c'est le manque de comment je dirais ça, dont en fait le backup de Carey Price, là, Alex Auld, qui a fait du bon boulot, soit dit en passant, là, lorsqu'il a été utilisé lors des dernières rencontres. Cependant, je pense que Jacques Martin n'a pas l'air de lui faire vraiment confiance. Je pense que ça peut jouer un tour là aux Canadiens de faire de donner le but à Carey Price aussi souvent. Ouais. Hein? Jacques Martin a dit qu'en deuxième moitié de saison, Alex Auld verrait plus d'action, mais encore une fois, étant donné la façon qu'il l'a utilisé en première moitié de saison, je trouve qu'il lui fait pas nécessairement confiance, comme je disais. Puis quand le Canadien va être en course dans les dernières semaines, dans le dernier mois et demi là, pour une place en série. Même si on joue contre les Islanders ou peu importe les Sénateurs, je suis pas certain si Martin prendra pas une chance. Il va peut-être dire, oh, je vais aller avec le numéro 1 justement parce que cette victoire-là, ça nous l'apprend absolument. Ouais, dans ce cas-là, on risque de brûler Price. Puis brûler un jeune gardien, ça c'est déjà vu et c'est jamais une bonne chose quand on passe de. On sait, là, Price, il y avait quoi à disputer l'an dernier, environ la moitié des matchs? Jusqu'au fait, à partir du mois de janvier, là, à la capille de la dessus, là, ouais. OK, donc on a des risques de brûler. Les autres raisons, là? Les autres raisons, en fait, le Canadien quand, est capable de marquer des buts. Oui, oui, c'est assez flagrant, là. Une moyenne de. Ben, en fait, quand j'ai écrit le texte, c'est-à-dire à la mi-saison pile, après 41 matchs, la moyenne de buts du Canadien, par exemple, ça lui donnait également le 26e rang, là, parce qu'il avait inscrit seulement 65 buts en forces égales. Donc ça ajoute énormément de pression justement à ma raison précédente là sur les beaucoup de pression sur les épaules de Carey Price parce qu'il peut pas se permettre de mauvais buts. Pendant le voyage du temps des fêtes là, il en a accordé quelques-uns durant ces matchs-là, puis on a vu ce que ça donnait là, ça donnait un voyage désastreux fait qu'il peut pas à cause que ses attaquants marquent pas, lui il peut pas se permettre d'accorder un mauvais but justement ou de faire une gaffe là, finalement. Oui. Et donc, Jonathan, par contre, je veux savoir, avec l'absence de tous ces gars-là, avec Mike Camilleri qui est malade, Plakanec qui performe pas, trouves-tu qu'un gars comme Benoît Pouliot, si on enlève son dernier match qui a pas été fameux, là, trouves-tu qu'on se débrouille quand même correct, on réussit à gagner, le fait qu'on réussit à gagner avec si peu d'effectifs présentement, ça pourrait justement peut-être faire virer la table de bord pour entrer en série peut-être par la peau des dents, là? Ça va être nécessaire justement si le Canadien veut faire des séries parce que tu regardes partout là, les équipes de tête, là, souvent, là, c'est quand le troisième trio te donne un ou deux buts, là, mettons même un but par match, là, souvent ça te donne un sérieux coup de pouce parce que ça allège le travail des deux premiers trios. Donc déjà qu'ils l'ont assez léger le travail. Ouais, ben c'est ça, ils l'ont léger parce qu'ils le font pas. Ouais, c'est ça. En fin de compte, le fait est aussi quand le trio numéro 1 fonctionne, le 2 fonctionne pas et l'inverse est aussi vrai. Donc c'est sûr qu'un coup de main du troisième trio, ça va être primordial. Puis je pense que en tout cas, comme tu dis dans le dernier match, Benoît Pouliot a montré des belles choses et Mathieu Darche aussi par le fait même. Puis je pense que les deux s'entendent bien ensemble. Parce ouais. que, tu sais, Benoît Pouliot, c'est pas... si tu te mets trop à virailler autour, là, on dirait qu'il vient perdu. Ça sera jamais quelqu'un qui va pouvoir charrier une équipe au complet, non. Là, sur ses épaules. Puis le fait d'avoir Mathieu Darche à côté de lui, qui, lui, il se casse pas la tête, là, du moment qu'il traverse la ligne bleue, il se rend jusqu'au filet, puis c'est toujours ça. Fait que Benoît Pouliot, il n'a pas besoin de se demander, bon, où est-ce qu'il s'en va, ou Benoît, il est rendu où, t'sais? Il sait qu'il est en avant du filet. Fait qu'il va chercher la rondelle dans le coin. Donc, pour lui, il faut que tu gardes le jeu simple. Puis plus tu gardes ça simple, plus il est efficace. Puis il a commencé à utiliser son lancer parce qu'il y a comme André Costitine. Hein, c'est étrange à dire parce que c'est les deux joueurs qui ont, le lancer le plus solide parmi les attaquants du Canadien. Ce sont les deux joueurs qui l'utilisent le moins. Ouais. Là, Benoît Pouliot a commencé à l'utiliser. Puis on voit ce que ça donne. Ça rapporte ça rapporte des fruits. Jonathan, quand on s'est laissé en 2010, je t'avais demandé, Canadien, est-ce qu'on doit aller chercher un défenseur, un attaquant? Tu avais répondu un défenseur, c'est le cas. On est allé chercher Wisniewski, on en a parlé tantôt. Mm-hmm. Est-ce que tu crois qu'on doit poursuivre avec un attaquant ou si on garde ça comme ça puis on fait notre possible? Ben moi, je crois qu'on devrait poursuivre, mais si je me fie ce que Pierre Gauthier a dit, je pense que c'est pas mal terminé. Oui, il n'y a plus vraiment de monnaie d'échange non plus. Non, il n'y a plus de monnaie d'échange. Puis le seul renfort qui peut encore revenir de Hamilton, le seul joueur qui reste vraiment, selon moi, c'est Ryan White. Mais... c'est le seul. Puis ça ne fera pas une différence. Et puis, pour ce qui est des on parle, il y a des rumeurs de transactions avec André Costitil. Non, mais... je pense pas qu'on va obtenir grand-chose en retour. Non, en ce moment, il vaut à peu près un cinquième choix, André Costitil. Exact. Donc, puis en plus, il y a eu 20 bons matchs au début de la saison. Ces 3 ou 4 saisons précédentes, ça a été la même chose. On le voit au début de la saison, puis après ça, maintenant, on le perd. Donc, les autres équipes, ils voient ça aussi. Donc, c'est sûr que pour lui, on n'aurait pas énormément en retour. Et puis, Pierre Gauthier n'est pas du genre à vouloir sacrifier des choix repêchage. Dans son bilan de mi-saison, il avait dit pas question de sacrifier des choix pour quelqu'un qui va venir jouer 20 matchs chez nous puis qu'on va perdre au cours de l'été. Une occasion. Une occasion. Donc, à moins de s'entendre ou de faire une transaction avec un joueur qui est sous contrat pour quelques saisons encore, ça me surprendrait qu'on ait du 109 à Montréal d'ici la fin de l'année. Jonathan, le temps nous fait déjà entre les jambes, là, ça va rapidement ce matin. Sous les pieds, le temps nous fait sous les pieds. Entre les doigts, du charmisme. Ouais. Ouais. Donc, je veux parler du match des étoiles, oui. La sélection des joueurs au match des étoiles qui va se faire à la bonne vieille franquette de deux chefs et... on choisit, et le dernier qui est choisi va avoir honte pour un petit bout, là. Ouais, va avoir le bonnet d'âme. Mais... à la télévision nationale. Ouais, c'est ça. qu'est-ce que tu penses de ça, la façon de faire cette saison? Ben, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve pas le tirage au sort, mais l'espèce de repêchage intéressant. Parce que, bon, eux autres, ils veulent faire un gros show de télévision avec ça, évidemment, là, pour attirer des codes d'écoute. C'est le fun, ça fait différent. Ça n'empêche pas que le match, en tant que tel, je pense qu'il va être plate encore, comme d'habitude. Ouais, comme à trois années, hein? Mais c'est ça, tu sais, ça fait 20 ans que les matchs des étoiles sont plates, là, dans les années 80, parce que moi, j'étais un peu plus vieux, là. Je me souviens des années 80, les matchs étaient souvent, tu sais, ça avait un ou deux buts de différence à la fin du match, puis souvent, c'était des matchs à bas pointage aussi. Donc, tu sais, il y avait toujours un c'était challenge. Moins, c'est ça, c'était moins des jeux d'hot-dog un peu, là, comme on... C'est ça, c'était vraiment du hockey, finalement, là. Tu sais, il n'y avait pas de mise en échec percutante, mais tu voyais que les joueurs, quand même, dans le coin de patinoire, il y avait des bagarres un contre un pour sortir la rondelle du coin, puis ça s'accotait un petit peu, là. Mais c'est ça, là, c'est vraiment rendu juste sur l'offensive. C'est un peu... ça nuit un peu au spectacle, je dirais. Selon toi, les capitaines pour le match des étoiles? On va sûrement avoir Crosby là-dedans. Je détesterais pas avoir Niklas Lidström, hein, qui en est probablement à sa dernière présence. Ouais, une bonne idée. Ça pourrait être intéressant. Ou les deux frères Sedin, chacun sur le bord. Ouais, puis c'est ça serait pas pire, ça. J'ai été surpris parce que tu t'en parles, là. Je regardais, il y a 21 joueurs cette année qui vont disputer leur premier match des étoiles. Et Daniel Sedin, c'est son premier match des étoiles. Puis j'avais pas réalisé qu'il avait jamais participé à un match d'étoiles. J'ai été surpris quand j'ai vu ça. Même chose pour Brad Richards aussi. Mm-hmm. Les deux gars ont 30 ans, puis c'est la première fois qu'ils participent à un match d'étoiles. Et pourtant, ils ont connu quand même des bonnes saisons dans le passé. Est-ce que celui qui va être choisi en dernière position va être tenté de manger les bandes un peu plus? Ben peut-être. Manger les bandes et la rondelle, peut-être. Ouais, c'est ça. Celui qui risque d'être choisi en dernière position, c'est Patrick Elliache, et de toute sa carrière, il n'a jamais mangé les bandes. Donc, il commencerait dans un match d'étoiles. Parce que la façon dont ça fonctionne, c'est ça, les gardiens, il faut qu'ils soient repêchés avant la 10e ronde et les défenseurs avant la 15e, c'est ça. Je pense que ça va donner un bon produit au niveau du spectacle télévisuel, le repêchage. Mais c'est le temps de changer de poste après. C'est ça, c'est le temps de changer de poste après. Ça va se faire quand? Je sais pas si tu le sais. C'est le vendredi. C'est le vendredi, c'est le 28. Donc on fait ça la veille. Le concours. Le 28, le 29, c'est les concours d'habileté. Et le match, c'est le 30. Qui est à peu près la seule chose d'intéressante. Ouais, c'est ça. Les capitaines vont choisir les recrues aussi pour les matchs, les concours d'habileté. Donc c'est ça. On parle beaucoup de l'absence de Piqué Subban au niveau des recrues. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais moi je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il soit pas là. Oui, pour l'instant, oui. S'il y a des blessés, je l'insérerai dans l'alignement, mais effectivement, Puis je pense que c'est un peu de sa faute à lui, oui. Exactement. C'est de la faute à Jacques Martin parce que bon, il l'a benché à quelques occasions là. Ouais. Donc indirectement, c'est de la faute à Piqué parce qu'il n'a pas nécessairement livré la marchandise, mm-hmm. ou il en a trop fait pour ce qu'on lui demandait là. Mais oui, je suis d'accord avec cette décision-là, mais advenant une blessure, là, on parle que Logan Couture puis Kevin Shattenkirk sont blessés présentement. Alors, ces deux joueurs-là sont pas en mesure de prendre part au match, au match des recrues, là. Mm-hmm. Oui, Souben, là, à ce moment-là, reste sa place parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, là, il a connu un départ canon, mais ça s'est calmé par la suite. C'est le genre de joueur qui peut, tu peux en donner un peu dans un match d'étoiles. Ben, surtout dans les confrontations. Ouais, là, c'est ça. Je pense que là, on pourrait avoir un peu de show. Puis le match en étant à Caroline, ben c'est tout à le bon vieux débat de comment vendre le hockey aux Américains. Mm-hmm. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est pas avec le match des étoiles là, qu'on vend le hockey aux Américains. Mais ça représente juste pas le hockey. T'sais, le match des étoiles. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu comme le football. Tu sais, les sports de contact, le match des étoiles, c'est difficile. Le boring bowl, là. Ça, c'est les deux contacts dans le match, puis c'est pas mal ça. Ouais. Puis c'est sur le toss. C'est sur le flip coin, là. Les gars se poussent pendant le flip, là. Jonathan, Henrik Zetterberg est pas là. Septième meilleur marqueur de la ligue, si je me trompe pas. Est-ce qu'il est victime un peu là, du fait que ça prend un joueur par équipe au match des étoiles afin de plaire à tout le monde? C'est ça, parce que quand tu considères que Leshensky est là, que David Backus est là aussi pour les Blues, tu comprends un peu qu'effectivement, c'est la... Moi, je trouve ça plate, honnêtement. Là. Ouais, moi aussi. Si tu veux vendre le hockey entre parenthèses, parce qu'effectivement, c'est pas avec ça que tu le vends, là. Mais tu sais, il faut que tu mettes tes meilleurs éléments, puis quitte à sacrifier des équipes, là, je comprends qu'on va avoir un représentant pour que tout le monde se sente impliqué, là. Mais à un moment donné, ça donne lieu à des je dirais pas jusqu'à dire des absurdités, là, mais en tout cas, c'est des injustices. Des injustices, oui. Et quatre équipes qui sont représentées seulement par des recrues. Si je me trompe pas, là, c'est quand même dans des marchés où ça va pas super bien le hockey. C'est quand même assez représentatif, justement, des problèmes qu'on peut avoir dans la ligue en ce moment. Effectivement, il y a entre autres la Floride et les Islanders, si je me trompe pas. Ouais, dans le cas de Mikael Grabner et dans le cas pour la Floride de Evgeny Dandonov. Ouais, c'est ça. Il y en a deux autres, là, je me souviens plus lesquels, mais ces deux-là, c'est ça. Là, ces deux. T'as Olivier Ekman-Larsson à Phoenix. OK. Et on pourrait parler à part de ça. Non, dans les autres, c'est quand même correct. Là, il fallait s'attendre à voir Taylor Hall au match. Taylor et Tyler. Eux pourraient à la limite avoir leur place sur le starting, là, de l'alignement. Même sur le vrai match des étoiles. Là. Taylor Hall, Jordan Eberle, ils sont... Wouf! Écoute, ben, moi, j'aime ça. Si t'as pas Zetterberg, je vois pas Taylor Hall. Ah non, là, tu marques un bon point. Pour revenir à ta question, oui, ça représente bien les problèmes que ces deux ou ces trois formations-là ont, si on inclut Phoenix. Là. Puis d'ailleurs, on l'a vu, là, juste avant, en fait, pendant la période des fêtes, les Islanders sont en vente de feu, même s'ils n'ont pas grand-chose à vendre. Ouais, c'est... Wisniewski est parti, Rollison est parti, puis le lendemain, Di Pietro s'est blessé. En plus, ils sont à quelques millions du plancher salarial, puis ils vont échanger deux gros salaires. Luongo, là, ça va rester longtemps dans les annales. Pas Luongo, excuse Di Pietro, là, ça va rester longtemps dans les annales de la Ligue, cette histoire. Ben, toute la Mike Milbury et tout ce qui a suivi, ça va tuer le hockey dans un endroit où est-ce que ça a déjà très bien marché. On dit que depuis le départ de Serge Chavard à Montréal, tout va mal. Depuis le départ de Mike Bossy avec les Islanders, là, Pat Lafontaine. Un après l'autre, là, on les a tous perdus. Rendu en demi-finale contre le Canadien en 93. Depuis ce temps-là, c'est la descente aux enfers. Puis là, ils sont rendus creux. Là. On a même pas parlé d'Alexis Yashin. En plus, qui paye encore le salaire. Là. Ouais. Ce qui leur permet d'être en haut du plancher. Ça faisait leur affaire. Ouais, c'est ça. c'est un placement. Hey, Jonathan, t'as merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça fait toujours plaisir. Passez une belle journée. Même si on est rendu 14, l'inconduite te souhaite bonne année. Ben, merci, vous aussi. Bonne année, les gars. Salut, Jonathan. Bye-bye. On s'en va en musique. On va aller écouter du Weezer avec la chanson Hang On. Au retour, on s'entretient avec Guillaume Beaulieu qui va nous parler de la saison de ski à Vallée du Parc. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est Fou. Someday Ah, c'est fou dans vos oreilles. Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. Pour il est présentement 10h05. Pour nous joindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com. Vous voulez lire nos textes chroniques. On est rendu avec un nouveau chroniqueur sur l'inconduite, David Tétrault, qui s'est joint à l'équipe sur l'inconduitedepartie.com. Chronique et réécouter nos émissions. Se joint avec nous par téléphone du centre de ski Vallée du Parc. Je l'ai bien dit, hein, c'est ça, Guillaume? C'est centre de glisse Vallée centre du Parc. De glisse. Nicolas, mais on va accepter centre de ski. D'accord. Guillaume, qui, si vous reconnaissez sa voix, Guillaume a été co-animateur ici lors de la première année de l'inconduite de partie en 2008. Il y a longtemps, hein, Guillaume? Ça fait déjà quelques années, oui. On était jeunes et plein de projets. Ah oui, écoute, hein? La vie nous a détruits. Non. Alors, Guillaume, écoute, parle-nous un peu, comment va la saison à la date à Vallée du Parc? Écoute, ça va très, très bien. On a eu un super de beau temps des fêtes. Les gars, présentement, sont en train de travailler sur la montagne. Les conditions sont exceptionnelles et on a un très, très beau parc à neige. On est prêt à accueillir le plus de monde possible, en fin de compte, là, c'est toujours sûr. Mais à ce qui paraît, là, justement, c'est très, très beau. On est une très belle équipe, puis avec les rénovations et tout, ça fait un beau vent de changement à la station, je dirais. Tu parles de parc à neige, ça, c'est le genre d'affaire qui attire les jeunes, là. semble-t-il que vous avez... Non, je fais un lien, là. Ouais. Semble-t-il que vous faites de plus en plus de promotions pour les étudiants? Ouais, c'est ça, en fin de compte, là, c'est aussi un peu pour ça là, que je voulais te parler aujourd'hui. Ce soir débute là, mes vendredis étudiants. Donc, écoute, c'est vraiment simple. Là. C'est 10$ sur le billet de remontée pour le ski de soirée sur présentation de la carte étudiante. Et puis, en plus, on va avoir un chansonnier avec de l'animation dans le bar qui devrait débuter vers 20h30 environ. Là. Donc, on veut vraiment attirer là, le plus d'étudiants possible à la station. On a de l'équipement location aussi, là, un coût qui est très abordable là, pour le bloc de soirée. Donc, ceux qui veulent s'essayer là, sur nos pentes sont bienvenus ce soir et pour toutes les semaines de janvier et de février, je te dirais. Bloc de soirée, de quelle heure à quelle heure? De 16 à 22 heures. Donc c'est, vraiment, c'est beaucoup d'heures. C'est là, ouais, c'est ça, là. Pour 10 piastres. Pour 10 piastres. Écoute, ça vaut combien un billet de même, Guillaume? Le billet habituellement, Nicolas, vaut... Écoute, attends 30 secondes, là, je regarde. Ah, attends, là, si je te parle, là, c'est, écoute, ça doit valoir au moins une trentaine de dollars. Ah, oh, facilement. Près. Attends 30 secondes, ben, la 30 secondes, ça va être long, Guillaume. Non, pas. 28. Avec un chansonnier aussi à l'intérieur, juste un billet pour une entrée ouais, dans un bar. Énormément, c'est 2-3$, 8$ pour monter. Ça monte rapidement. Donc, le billet de journalier pour un adulte, en fin de compte, la soirée habituellement est à 22$. Donc, on parle d'un 12$ là, d'économie par rapport au tarif habituel. Hey, 10$ pour aller voir la neige, là, c'est quand même intéressant. Ouais. Pour le reste de votre saison, comment ça se déroule au niveau de la période des fêtes? Est-ce qu'on a les chiffres? Je ne sais pas si tu peux nous en parler. On aussi? A eu une très, très belle période des fêtes. On a accueilli beaucoup, beaucoup de personnes. Les chiffres officiels, je ne connais pas encore. Par contre, là, on sait qu'on a eu beaucoup d'achalandage à la station, là, surtout la semaine entre Noël et le jour de l'an. Là, ça a été une des très, très belles semaines qu'on a eues. Puis comment est-ce que Guillaume Beaulieu trouve ça travailler, toi qui étudies à l'UQTR et chirologie, là, comment il trouve ça de travailler dans un centre de ski où est-ce qu'on est en plein air? Ben, c'est plaisant. Écoute, on a une très, très belle équipe de travail ici à Vallée du Parc. C'est super le fun. C'est plein de nouveaux projets aussi pour moi, là, pour un gars qui a fait son bac en chirologie à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment intéressant aussi. Là. Puis la dynamique d'équipe est vraiment superbe. Ben, écoute, Guillaume, je suis content de t'avoir parlé ce matin. Ben, ça fait plaisir, Nicolas. Puis, on espère se recroiser là, sur les pentes du peu. Oh, on va se croiser sur les pentes, je suis pas inquiet. Puis, on va pouvoir remettre les petites soirées football, là. Ouais, dans pas long. Ah, dans pas long, parce que championnat national. Comment t'as trouvé la fin, hein? 2 secondes, comment t'as trouvé la fin du championnat national? C'était spécial, hein? C'est spécial. Ça. C'est le terme exact. C'était spécial. On va en parler tantôt avec JP Grenier, là. Dommage que tu puisses pas rester, là, mais on va en parler tantôt avec JP Grenier. Non, c'est bon, je vais écouter un peu ce que JP a à dire là-dessus, là, mais... C'était spécial. Ouais, c'est ça, c'était spécial. Échapper... échapper une course comme ça, puis que personne n'ait réagi en fin de compte. Ah non, c'était anticlimatique. C'était vraiment, c'était une montée vers la fin d'un match. Là, c'était comme, là, ben voyons, toi. C'est... On en reparle plus tard. Hey, merci beaucoup, Guillaume. Hey, ça fait plaisir. Passe une belle journée. Salut les gens de Vallée du Parc pour nous. Bon, ben c'est parfait. Au revoir. Salut. Donc, c'était Guillaume Boyeux du Centre Vallée du Parc, en vous rappelant que les soirées à 10$ pour l'étudiant, écoute, le monde du QTR, le monde, les vendredis, merci, parce qu'un mardi, ça fait différent. Les jeunes du QTR, les jeunes du cégep qui veulent aller là, ça va être un super bon endroit, ça va être le fun, faire un petit peu d'exercice physique. On s'en va à la musique, on s'en va écouter une chanson acoustique de la part des Vulgaires Machins, et au retour, on va parler avec Normand Meunier, des Dragons du Collège de la Flèche, du défi collégial de cette fin de semaine. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. Rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant, superbe! C'est un, dans son cas, là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. L'inconduite de partie. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. On tente toujours d'établir la communication avec Normand Meunier du Dragon du Collège de la Flèche. Et on va parler un petit peu de quelques nouvelles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tout d'abord, premièrement, les Cataractes seront en action ce soir à Rimouski. C'est le retour de Ryan Cavanagh dans les antres rimousquoises. Lui qui a joué plusieurs matchs dans la région avant d'être échangé aux Cataractes contre un premier et un troisième choix repêchage. Donc, dans son cas, ça va être un retour aux sources pour lui. Parlons aussi, deuxième petite nouvelle, le classement au niveau de la centrale de recrutement de la Ligue nationale qui est sortie cette semaine. Sean Couturier, qui occupait le premier rang, vient maintenant d'être relégué au deuxième rang. On parle dans son cas, il a été devancé par Gabriel Landeskog, le Suédois qui évolue avec les Rangers de Kitchener. On parle aussi au troisième rang, on va retrouver Ryan Nugent Hopkins et intéressant, au quatrième rang, c'est le Québécois Jonathan Huberdeau, premier Québécois à venir au classement, qui évolue avec les Sea Dogs de St. John's, qui complète la liste. Autre chose aussi intéressante, bon, on a Nathan Beaulieu, Zach Phillips, Philippe Dano de Victoriaville et Thomas Durco qui sont classés en première ronde dans le classement nord-américain. Parce qu'il y a aussi le classement européen, donc c'est pas parce que tu es classé 24e que tu vas sortir 24e, bien évidemment. Aussi, chez les gardiens, on a Christopher Gibson de Chicoutimi qui est en deuxième position, David Anzik de Victoriaville 8e et Maxime Lagacé 9e chez les gardiens de but. Donc, petite pépinière de gardien, un petit peu peut-être québécois qui remonte un petit peu. Le repêchage va se tenir les 24 et 25 juillet prochains au Minnesota. Autre nouvelle, les étoiles de la semaine du côté de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Bon, ben écoutez, Christopher Gibson, dont j'en parlais, a obtenu la première étoile de la semaine. La deuxième étoile va à Zach O'Brien et la troisième à Jonathan Hazen des Foreurs de Val-d'Or. Hazen qui a justement affronté les Cataracs et le Junior de Montréal la semaine dernière. Donc, c'est ça, on peut pouvoir aller aussi... pour faire un retour en arrière un peu sur le championnat canadien, championnat junior mondial plutôt, l'équipe du Canada, aussi Braden Shen et Cody Eakin qui ont été deux joueurs importants. Les deux ont été échangés dans leurs ligues respectives. Du côté de Shen, il est passé des Wheat Kings de Brandon aux Blades de Saskatoon. On sait que les Wheat Kings ont reçu la Coupe Memorial l'an dernier, donc automatiquement, souvent, ce qui arrive, on fait une vente de feu un petit peu après ça, et c'est ce qui s'est passé du côté de Braden Shen. Cody Eakin, c'est la même chose, il a été échangé. Ça, j'ai pas l'information. Yo, deux petites secondes. Et du côté de Cody Eakin, il se dirige vers. Dès que mon ordinateur ouvre. Mais en tout cas, si je me trompe pas, il me semble que Braden Shen a été échangé contre quatre joueurs, trois joueurs repêchage. Ouais, ben c'est souvent ça, des plus jeunes, puis des choses comme ça. Ça me fait penser un peu aux échanges au baseball. Tu sais, souvent au baseball, là, tu vas voir un gros joueur échanger contre trois joueurs du 3A, deux joueurs du 2A. Mais c'est surtout que junior majeur, c'est des cycles, hein. Et c'est des cycles d'à peu près 3 ans et ça va quand même rapidement. Donc, quand t'as un joueur, quand tu t'es boosté un club, tu sais que tu vas en avoir pour au minimum 2 années de misère. Quelques équipes vont s'en sortir, là. Mais en temps normal, c'est ce qui va arriver. Donc, on échange et on va chercher un peu de futur pour accélérer la répétition du cycle. Cody Eakin, dans son cas, a été troqué des Broncos de Swift Current aux Ice de Kootenay en retour de 5 joueurs et 3 choix de repêchage. Donc, Cody Eakin qui a quand même une grosse valeur dans ce coin-là. Donc, c'est pas mal ce qui conclut les nouvelles du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Vas-y. Ben, moi, côté soccer, j'ai quelques petites nouvelles aussi. Vas-y, en fait, le classement mondial est sorti. Pas vraiment de changement au niveau du top 10. Seulement la Croatie et l'Égypte, respectivement 9e et 10e, qui interchangent leur place. Également, ben, les plus gros bons, la République populaire de Chine, qui fait un bond de 8 places. Il se retrouve au 79e rang. Et surprenamment, le Qatar, tiens, on en parlait il y a pas longtemps, fait un bond de 9 places et maintenant au 105e rang. L'Égypte, qui justement fait un retour dans le top 10, comme je le mentionnais plus tôt, et également petite hausse du côté du Bélarus, maintenant 37e, donc meilleur classement de l'histoire. Donc, si jamais André Costitine ne se trouve pas de job l'an prochain pour le Canadien, il pourra toujours aller jouer au soccer du côté du Bélarus. Oui, c'est ça. Du côté du Real Madrid, mais en fait, Higuain est blessé, blessure au dos, hernie discale devrait être opérée, mais toutefois, Kaka est de retour de sa blessure à l'aine. Donc, un mal pour un bien du côté du Real Madrid. Hey, je reviens au hockey. On va parler un petit peu du hockey en Mauricie. Du côté du Caron-Aiguille, ils ont annoncé hier la signature de Pierre-Olivier Beaulieu, le nouvel arrière du Caron-Aiguille qui aura 27 ans le mois prochain. Mesure 6 pieds 4 pouces et fait osciller la balance à plus de 220 livres. Donc, ce n'est pas un petit bonhomme et il va fitter parfaitement avec le Caron-Aiguille. Il a joué dans la East Coast, il a joué en Allemagne, il a joué au Japon dans la Ligue d'Asie. Il était de retour aux États-Unis cette année. Il a évolué avec Odessa dans la Central Hockey League. Il a été échangé et il a fait bof, gars, là, un moment donné, ça va faire. Donc, il a décidé de revenir au Québec. J'imagine qu'il va être en action ce soir alors que le Garaga non, c'est plus Garaga, c'est le... En tout cas, Saint-Georges-de-Beauce. C'est le Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce qui sera en action. Ça fait longtemps. Ouais, il y a eu le CRS Express à l'époque. Saint-Georges-de-Beauce va être au Colisée de Trois-Rivières ce soir. C'est de 20h. Et du côté des Estacades de Trois-Rivières, ils sont en action ce soir. C'est contre les Albatros du Collège Notre-Dame. C'est au Centre sportif Alphonse Desjardins à 19h30. 3 matchs de hockey ce soir à Trois-Rivières. 3 matchs. Bord en bord. 3 matchs. Combien d'aréna? 3. Ouais, combien d'aréna valide? 2. Une écart. Une écart, ouais. Mettons. Non, mais je sais pas. Il me semble que Chance des Dragons joue pas. T'sais. Il aurait fallu jouer à Jérôme Cotemont et rajouter. Ou l'autre côté à Jean-Guy Talbot. Mais trois matchs. 3 rivières, 3 matchs, 3 arénas. Ouais. Une sur chaque rivière. Ouais, c'est une chose qu'on va réinstaller à la patinoire à l'hippodrome. Ouais. Ben oui, pourquoi pas. Mais on a fait une ici aussi sur le campus. Oui, une petite session sur le campus. Les pattes, si jamais ça vous tente, là, Claude Mongrain, on va vous mettre du papier foil au-dessus de ça, puis on va être comme à la maison. Parce que quand on regarde ce que Claude Mongrain a l'air comme arena, c'est à peu près aussi luxueux que la petite patinoire qu'ils ont fait sur le campus avec deux, trois hoses. Et installe-moi une coupe de bain de bois, puis un stand à poutine, et je vais être très heureux avec ça. Génial. Hey, on s'en va à musique. On va aller écouter Adam avec la chanson Ligne secondaire. Au retour, on va tenter toujours d'établir la communication avec Normand Meunier, entraîneur des Dragons du Collège de la Flèche. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. Bonjour, je suis Michel Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Donc, on va parler des Dragons du Collège de la Flèche. Malheureusement, on n'a pas réussi à établir la communication avec Normand Meunier. Tout de même, on va pouvoir donner quelques nouvelles. Les Dragons sont en action cette fin de semaine. Deux matchs et ça va être un challenge collégial, défi collégial qui va se dérouler du côté de l'Arena de Sainte-Foy à Québec. Sainte-Foy, Québec, tout ça, ça a tout été fusionné. La Flèche va disputer deux matchs. Donc, premièrement, ils vont être les visiteurs de Saint-Laurent à 10h du matin, demain matin. Et leur deuxième match va être, où est-ce qu'ils vont être locaux? C'est le dimanche, ça va être à 12h15. Ils vont affronter le Cégep Lyon-Aigrou. C'est le genre d'événement où est-ce qu'on va pouvoir réunir un maximum de jeunes et un maximum de recruteurs en un plus petit endroit possible pour se faire voir un peu plus et pour donner un petit peu plus de visibilité à peu importe les joueurs. Aussi, durant le week-end, va avoir un match des étoiles et va avoir un concours d'habilité. Dans les joueurs qui ont été choisis, on va parler des joueurs du Collège de la Flèche. Tout d'abord, il y a Alex Poirier, on parle de Francis Garceau, Francis Nolin, Jean-Philippe Leduc, Louis-Michel Lafrenière et Étienne Jutras. On peut parler aussi de Normand Meunier, entraîneur qui va il va avoir le rôle d'assistant-entraîneur. L'entraîneur en chef va être Éric Messier, hein, c'est un joueur de l'Avalanche du Colorado qui va pouvoir entraîner ça. Donc, et ils vont affronter une autre équipe. Il y a aussi, ouais, bien sûr, oui, ils vont affronter une autre équipe. En effet. Il va affronter une équipe composée des joueurs. Bon, on a divisé un peu la ligue en deux au niveau des équipes et on va faire deux équipes à travers ça, deux formations. Il va aussi avoir un match des recrues qui va se dérouler pendant ce temps-là. Du côté de la Flèche, les joueurs qui ont été choisis, on parle de l'attaquant William Kane, Joey Picard et du gardien Olivier Manta, originaire de Trois-Rivières-Bécancour et La Tuque, respectivement. Tout comme Jérémy Lacerte, qui lui est défenseur et qui vient de Yamachiche. Donc, non, on n'y est pas de gens de Yamachiche. Ben non, j'ai plein d'amis à Yamach. Donc, les matchs... Le match des étoiles... Je suis un peu déçu. Le match des étoiles va se tenir à 19h au Centre sportif de Sainte-Foy. Le concours d'habilité va être à 16h30 et du match des recrues à 17h45. Donc, on va donner un maximum de visibilité. Je veux dire, il y a combien d'équipes dans la Ligue? Si je me trompe pas, il y en a à peu près... il y en a à peu près 8, là, présentement. Mm-hmm. Oui, 8. 8 équipes. Donc, 8 équipes. On fait 4 équipes avec ça. On s'entend qu'il y a à peu près la moitié de la ligue qui est déjà présente à ce match-là. Donc, c'est vraiment plus pour faire voir les jeunes que d'autres choses. De toute façon, toute la ligue est là parce que les matchs se déroulent là. Donc, ça va être intéressant. Oui, vraiment. Quelque chose de bien, justement, pour les recruteurs et pour la visibilité, ne serait-ce que du calibre de jeu qu'on tente d'établir là-dedans. Oui, et ben c'est ça. Et c'est dommage, j'aurais aimé ça parler avec M. Meunier ce matin là, pour savoir quelle est la différence. J'avais fait un reportage avec les Dragons l'an dernier sur les ondes de Canal Vox à l'émission Kingstead Valmukun. À savoir, on était dans une année préparatoire. C'était comme l'an zéro de cette ligue-là. Et là, cette année, on est bien évidemment à l'an 1. Comme ça, on veut dire, chose que je n'ai jamais vraiment compris, pourquoi faire une année... On commence, t'sais, une année préparatoire. Je trouvais que ça le thème me semblait un peu ridicule, mais j'aurais aimé savoir les différences entre cette année et l'an passé au niveau des équipes. Il y a d'ailleurs d'autres équipes qui ont dit qu'elles allaient s'engager dans cette ligue-là dans les prochaines années. Il y a aussi la Ligue Prep School qui est... Ouais, c'est là où je voulais t'en parler, en fait. Là. Est-ce que Hockey Québec est avec... Québec, je crois, est avec la Ligue d'Hockey collégiale, si je me trompe pas. Okay. Contrairement à la vieille Ligue collégiale 3A, qui, elle, était indépendante. Hockey Québec, si je ne me mélange pas, régit au niveau des règlements et tout ça, la Ligue collégiale masculin, la Ligue Prep School, on sait qu'il est né, la Ligue de hockey préparatoire du Québec, si je ne me trompe pas, préparatoire scolaire, un nom comme ça, qui, elle, agit en dehors des guides de Hockey Québec et je crois que c'est une très bonne chose pour cette ligue-là, si elle compte se développer dans les prochaines années. Donc, on va voir. L'âge où est-ce que les jeunes évoluent prep school, c'est avant la Ligue collégiale. Donc, certains pourraient ensuite passer à la Ligue collégiale. D'autres vont peut-être passer junior 3A et peut-être certains junior majeurs. Et on verra par ensuite ce qui va se dérouler à travers tout ça. Bon, et c'est plus au niveau midget que ça va changer des choses parce que là, pour moi, il y a des clubs midget espoir qui vont avoir de la misère à remplir toute leur formation. Il va peut-être avoir quelques clubs. Mais encore là, ça dépend tout le temps du succès qu'on va voir. Oui, va chercher. Ça va permettre justement peut-être à des endroits de grossir un peu la région dans laquelle ils peuvent piger dans le bassin de joueurs. En étant des écoles, tu recrutes d'un peu partout. Oui, logiquement, je pense pas qu'il va y avoir des territoires, contrairement à Hockey Québec qui force les territoires. Donc, on va aller une pause. Au retour, JP Grenier se joint à nous pour parler football. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. C'est fou, c'est dans vos oreilles. 89. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chroniques, opinions et beaucoup plus. Les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Islanders de New York hier soir par la marque de 6-4. Kevin Poulin a débuté la rencontre devant la cage des Islanders.

no more. Slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. It don't slither no more. Et se joint avec nous par téléphone, M. JP Grenier. Comment ça va, JP? Ça va bien, vous autres, en matin? Ça va très bien. Good. JP, on va parler de football universitaire, le championnat national qui s'est disputé lundi au Burn contre, contre les Ducks d'Oregon. Victoire des d'Auburn, finalement. Oui, toute bonne chose à une fin. Et... Puis le collège américain, le football collège américain, il a pris fin cette semaine. Écoute, je ne sais pas si vous avez tout écouté le match, les gars. Ouais, ben moi j'en ai vu une bonne partie. Ouais, ben okay. Moi je l'ai vu en reprise, mais j'y étais. OK, ben vos impressions? Moi j'ai adoré le match, et je vais le redire ce qu'on disait la semaine dernière, le saut de Oregon était magnifique. Il était laid. Il était sublime. Il était laid. J'ai adoré le match jusqu'au fameux jeu. Là, où écoute, un peu bon. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis tellement resté sur mon appétit. C'est ça. Tout au long du match, on a eu un match excitant. Ouais. Des jeux clés des deux bords. Sans une offensive trop dominante des deux côtés, là, on sait que c'était pas mal leur force. Je pense qu'ils nous ont donné un bon spectacle. Oregon, là, c'était dramatique, là. Ils sont remontés la pente en fin de match. Puis quel jeu désolant. Le porteur de ballon d'Auburn là, qui se fait plaquer. Les genoux tombent pas au sol, donc ça relève sans problème. Gros, là, il en manquait pas. Mais, gros, là. Ce que je me demande, moi, c'est. En temps normal, là, c'est pas trois points de contact au sol, le jeu arrête. Écoute, moi, je croyais que. C'est assez compliqué, là. Les règlements changent d'une ligue à l'autre. Ouais, mais il n'y avait, pas trois points de contact. Il y avait ses deux pieds puis la main lors du contact qui a été fait. Tes pieds, c'est pas un point de contact. Ah, OK, je comprends. Et ta main non plus. OK, donc tu as le droit de courir à trois pattes. Tu as le droit, c'est ça, okay. Ouais. Puis même là, moi, dans le fond, là, j'étais sûr que c'est tibia avait touché. Donc, dans le fond, si les tibias avaient touché au sol, les genoux, évidemment, aussi, là, mais... Écoute, j'ai vraiment pas aimé la fin. Ça a donné une course quasiment jusqu'à la ligne de 20. Auburn qui a juste eu à convertir le field goal. Donc, ça l'a brisé toute la magie du match un peu. Là. Parce qu'on s'en allait carrément en prolongation. Et là, ça aurait été épique. Là. Ça aurait même été une des meilleures finales. Mais là, écoute, les joueurs d'Oregon qui étaient tellement déçus, je les comprends. Comparable un peu avec Ohio State-Miami qui s'était rencontré en 2001 et qui s'était terminé en prolongation et qui avait été tout un match remporté par Miami. Willis McGahee dans ce match-là qui s'était fait démolir le genou et choses comme ça. Donc, très déçu. Mais, très déçu. Moi, je suis content parce que j'avais prédit une victoire d'Auburn et je l'ai eu. Donc, félicitations à moi. Ouais, mais déçu, tu sais, je veux dire. Ouais, non, je sais. On a eu quand même un très bon spectacle. Même ça, c'est un jeu controversé, c'est quelque chose qui va rester dans les annales. Je suis pas déçu de l'avoir vu, ce jeu-là, parce que ça va rester un jeu dont on va parler. Un peu plate, justement, de la façon que ça finisse comme ça. Ça a comme mais on a eu tout le long du match quelque chose de super bien. Ouais. Et puis moi, parenthèse, là, la mascotte des Ducks, là, je l'adore. c'est comme le Philly fanatique du football universitaire. Je trouve qu'elle met autant d'ambiance dans le match que les joueurs eux-mêmes. La mascotte d'Oregon, c'était pas déjà battue dans un match contre l'autre mascotte? Ça a l'air, oui. Mais je pense pas que c'est probablement le même suit, mais ça doit pas être le même look. Ouais, peut-être aussi. Il a peut-être été congédié. Pas même homme. Mais ça dépend. Regarde, la mascotte, Sébastien the Ibis à Miami, qui avait... Écoute, le gars qui a fait la mascotte, c'est de 84 à 2004. 20 ans à faire la mascotte. 20 ans de tuage. Et il y en a fait des niaiseries, là. Mais il y en a fait des niaiseries. Juste donner une idée, le Florida State arrive au milieu du terrain avec une lance en flamme et lance la flamme. Lui, il arrive avec un instincteur pour aller éteindre ça. Et ça a pris. La police a réussi. La police, la sécurité a réussi à le mettre à terre pour empêcher ça. Génial. Sinon, imaginez l'émeute qu'il y aurait eu. Mais ça, c'était dans les années où à Miami, on était plus arrogant que ça. On peut pas être plus arrogant que ça, dans le fond, là. Fin des années 80, donc vraiment de ce côté-là. Hey, JP, en regardant le match, tu nous avais parlé de la façon que Oregon appelait les jeux. Oui. Les fameux cartons. J'ai vu un carton. Écoute, tu nous parlais d'images qu'on venait mettre, mais je pensais pas que c'était aussi ridicule que ça comme image. Il monte un carton et t'as la première image en haut dans le coin gauche, Jim Rome. Jim Rome qui est... C'est comme si t'avais un peu Roger Brulotte si t'appelais la carte, là. C'est un commentateur américain là à la télévision de ESPN, si je me trompe pas. Puis il y en a un autre qui m'a fait bien rire, là. Je me souviens plus, mais oui, t'avais une face de gars, là. C'était pas Jim Rome, je l'aurais reconnu, là. De mémoire, j'ai pas retenu ça, là, sauf que... Ouais, ça a marché, leur stratégie, peut-être dans la première moitié du match. Chapeau à la défensive d'Auburn qui s'en est bien repris, mais là, juste parler du defensive tackle d'Auburn, là, Nick Fairley, qui vient grandement d'augmenter là, sa valeur au repêchage de la NFL. Il était inarrêtable pour les gardes, la ligne offensive, dans le fond, d'Oregon. Puis il a changé le match à lui seul, là. On peut pas parler d'une grosse performance de Cam Newton. J'ai détesté son fumble en fin de match causé par le frère de Clay Matthews. C'était des moments les plus importants dans le match. C'était très clutch. Donc j'ai adoré ce fumble-là parce que j'étais content qu'on ait au moins un match, là. Cam Newton, pas une grosse performance. Que moi, le lendemain, je vois sur rds.ca... Cam Newton, dans le fond, là, mène Auburn à la victoire. Il y a peut-être un manque d'informations ici. C'est habituel. Pour en revenir, là, excuse-moi, mais deux secondes justement au fumble dont tu parlais, c'est vraiment, moi aussi, comme tu dis, je l'ai trouvé magnifique. C'est vraiment un geste délibéré. Tu sais, souvent, tu vas voir des échappés, bon, c'est sur le plaqué, le ballon revole. Il est vraiment allé pour le faire le fumble, pour le gros clutch game, comme tu dis. Ça aurait dû être le jeu tournant. Et cette famille, là, chez les Matthews, d'être des joueurs de football clutch et performants, là. Ben, écoute, c'est une famille, c'est un peu les centres du football. Juste pour vous faire une histoire vite, t'as Clay Matthews Senior qui a joué avec Cleveland, qui était une étoile dans la NFL, son grand-père. T'as eu Clay Matthews Junior qui est en fait le deuxième du nom, qui est le père de l'actuel Clay Matthews qui est avec les Packers de Green Bay, qui lui a fait 4 Pro Bowl là, dans la NFL avec Houston, je me souviens bien. Puis, t'as Clay Matthews III, qui est avec les Green Bay Packers, là, on le connaît tous cette année. Puis, t'as son frère, qui est avec Oregon actuellement, donc c'est incroyable, sans compter son cousin, là, qui est avec les Titans du Tennessee, puis le fameux Bruce Matthews. Écoute, quelle famille, mais juste une mention honorable pour le match, Mike Dyer. Ouais, Michael Dyer, qui vraiment a pris la relève pour Cam Newton dans ce match. En tant que freshman, en tant que joueur de première année, c'est incroyable, sauf que là, attention, là, c'est pas la première année que ça fait ça. Souvent, un joueur de première année qui brille comme ça dans un match si important, ça veut pas dire gage de succès, là. Il va falloir le surveiller. Est-ce que ça te fait-tu penser un peu à un Michael Maurice Clarett? Maurice Clarett, peut-être avec Ohio State. Ouais. On va voir s'il y a des problèmes d'attitude, là. Donc, très bon match. Ça s'est peut-être fini en queue de poisson, mais écoute, au moins, ça a été serré jusqu'au bout, là. Jusque dans les 30 dernières secondes, ça a été serré. Et vraiment, je pense que les deux équipes qui se sont retrouvées là, c'est le fun, parce que c'est deux équipes qui ont été égales au niveau des performances et au niveau de ce qu'ils pouvaient offrir dans ce match-là. Hey, du côté de Cam Newton, est-ce qu'on va être éligible au repêchage de la NFL? Oui, Cam Newton, qui est junior, n'a pas encore déclaré s'il allait revenir. Ça serait une surprise, d'après moi, s'il revenait à Auburn. Là, il va aller du côté de l'argent, selon moi. Déjà qu'il y a eu assez de problèmes du côté administratif cette année. Là, ouais, c'est ça. Donc, il y a eu une chance de se mettre... dans le fond, il était attiré par les médias. Donc, je pense qu'il va aller du côté de la NFL. En quelle ronde va sortir? Bon, on a vu avec Tim Tebow l'an passé qui est sorti en première ronde. C'était toute une surprise, là. Écoute, moi, je le verrais peut-être dans les rounds 2 à 3, là. Une équipe qui cherche un peu un joueur à la Vince Young sans les problèmes de psychologique, là. Donc. Ouais, ben, c'est lui aussi. Ça me faisait penser à Vince Young comme joueur. Ben, même style de de bras, même style de... De course aussi. Oui, puis ils ont le même gabarit. Donc, non, c'est ça. C'est le moment ou jamais pour lui, je pense, d'aller au draft. Sinon, écoute, t'as Andrew Luck qui a refusé là, d'aller dans la NFL tout de suite. Donc, les Panthers de la Caroline qui étaient premiers overall, et ça va pas bien dans leur cas. Là. Je sais pas si tu veux qu'on en parle. Oui, vas-y. Mais écoute, on sait que le premier choix, là, ça veut dire un joueur automatiquement payé à peu près 80 millions de dollars, dont 45 garanties. Ouais, à peu près. Sur 5-6 ans. Ça fait beaucoup d'argent pour un joueur qui a encore jamais joué. Par exemple, si on prend l'exemple de Sam Bradford avec les Rams de Saint-Louis l'an passé, un contrat de 78 millions pour 6 ans, à 22 ans, c'est un risque à prendre. C'est le marché maintenant, on a exactement. Plus le choix, puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec la nouvelle convention collective qu'ils veulent amener, ils veulent justement là, mettre un peu comme au hockey, une limite pour les choix de repêchage, ce qui serait une excellente chose. Donc, les Panthers à Caroline qui se ramassent avec le premier choix. Bon, on était intéressé par Andrew Luck puisqu'on n'a pas vraiment de carrière de franchise. Finalement, là, Andrew Luck qui, avec la décision d'Harbaugh qui s'en va avec les 49ers de San Francisco, oh, ben peut-être que je voulais pas jouer pour les Panthers finalement tant que ça. Là, les Panthers qui sont allés offrir à toutes les équipes à peu près leur premier choix total, mais oh non, on n'en veut pas. Je te donne, tu sais, donne-moi ton troisième choix, ton choix de troisième round. Non, on n'en veut pas, check, c'est de l'argent gaspillé. Tu penses que ça sera pas un grand repêchage, de toute façon? Ça va être un bon repêchage, sa profondeur, je vais en parler dans les autres semaines, sauf que il n'y a pas de numéro un légitime. OK. Même Nick Fairley, qui a connu un excellent match, là, on le voit top 5, même avant le match, je l'ai vu dans le top 20, là, d'après moi, il va se ramasser dans le top 5, là. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais tu n'as pas cette année le gros joueur là, comme des Sam Bradford ou des premiers choix automatiquement. Tu as Jake Locker, l'excellent carrière de Washington. Les Huskies de Washington qui vont être là, sauf que... C'est pas un choix... Il était décevant cette année. C'est pas un premier choix légitime comme ça. Exactement. OK. Hey, on va quitter le football collégial. On va s'en aller. Ben, du moins, tu avais déjà commencé un peu à toucher à la NFL. Les séries qui se continuent cette fin de semaine. Comment tu vois ça? Je pense qu'il va y avoir des matchs très intéressants, particulièrement Green Bay-Atlanta. On va voir ce qui va arriver avec si les Falcons sont aussi bons qu'ils ont paru dans la saison. Ouais, ben écoute, d'après moi, on va avoir une finale... Malgré moi, le Patriots Falcons. JP qui haït le New England. Là. Exactement. Puis, le match que je vais en plus se retenir, c'est sûr, c'est Jets Patriots. En plus que c'est dimanche après-midi, c'est le dernier match de la fin de semaine. Écoute, l'ascension des Seahawks, vont-tu répéter le coup qu'ils ont fait au Saints? Les Bears sont favoris à presque 4 contre 1. Là, je vois pas... On sait jamais, c'est du football de la NFL. Il n'y a pas plus de parité que ça. Là. À peu près à moins 18 dans Soldier Field. Je pense pas que Matt Hasselbeck va triper autant, malgré que je vais jouer à Green Bay, lui. Ouais, puis c'est pas super chaud à Seattle non plus. Non. Puis mon match qui crève tard dans le fond, Ravens-Steelers. Ah, mais ça va être le match du week-end, ça va jouer dans les tranchées, hey, ça va être très, très, très tough comme match. C'est du football comme je l'aime, ça. Du football de rue, là. Du football gras, là. Peut-être que le score sera pas élevé, mais on s'en fout. On veut pas un match 32 à 28. Là. Tout ce qu'on veut, c'est Ray Lewis qui fait des plaqués, Paul Amalou qui intercepte des ballons. Puis, il y a tellement des rivalités entre les deux équipes qui sont dans la même division. Puis, je me souviens, il y a 2 ans, ça avait été carrément une boucherie là, sur le terrain. Puis, c'est vraiment, là, on a des séries super le fun cette année. Puis, chaque match est intéressant. Là. Même les Seahawks représentent une belle surprise. On les voyait pas là. Puis, leur destinée continue, donc... C'est là qu'on voit qu'un match au football, ça peut tout changer. Je pense pas que Marshawn Lynch va être capable de réitérer ce qu'il a fait là, contre les Bears. Pas contre les Bears, contre les Bears. Ça a tout été son problème dans la ligue. Il n'a jamais réussi à être constant. Pouvait connaître un match de 150 verges comme qu'il faisait au collège, puis l'autre match d'après, 32 verges sur 15 portées. remporter avec une faible moyenne de course, de verge par course. Donc, non. Pas de mes choix rapidement. Là, je crois que les Steelers ont l'emporté, les Patriots, les Falcons et les Bears. Donc, pas des grandes surprises, sauf que je pense que ça va être tous des matchs serrés. Hey, moi, on n'a pas un choix pareil. Moi, je vais y aller. Écoute, de mon côté, je vais avec au minimum une surprise. Premièrement, je vais y aller avec Pittsburgh, je vais y aller avec les Patriots. Je pense que de toute façon, Pittsburgh-Patriots, ça va être un autre match excellent. La défensive de Pittsburgh contre l'attaque des Patriots, qui va gagner. De toute façon, Tom Brady a l'air en mission. Là, il a l'air de Braveheart avec ses cheveux longs. Pis, c'est fou ce qu'il est capable de réaliser. Avec ses talentueux, ses recrues. Par contre, je vais avec Green Bay sur Atlanta. Je crois que les Packers ont ce qu'il faut pour se rendre loin. Tout va dépendre de comment le jeu au sol va pouvoir s'établir du côté des Packers. Et je vais y aller avec Chicago d'un autre côté là, qui devrait l'emporter. Donc, ma surprise de la semaine, Green Bay. C'est pas toi, Philippe? Ben moi, Baltimore contre Pittsburgh. Les Ravens, ça a toujours été le club que j'adore regarder jouer. Les Jets, selon moi, vont causer la surprise contre les Pats. En fait, c'est plus un vœu pieux qu'une prédiction, mais bon, on va s'accrocher pareil. Si j'ai l'impression que Seattle va réitérer son exploit et puis va affronter Green Bay en division de la Nationale. Encore une fois, très intéressant au niveau de l'horaire des matchs. Samedi, ça commence à 4h30 du côté de Pittsburgh plutôt. Et à 8h, on va avoir du côté du Georgia Dome, Green Bay qui va se rendre là. Et samedi, dimanche plutôt, comme tu disais, à 1h, Seattle-Chicago. Et New England qui termine la fin de semaine à 4h30 avec le match contre les Jets en direct du Gillette Stadium. Juste une statistique de même, peut-être les Falcons. Matt Ryan qui est 15-2 au Georgia Dome, donc... Ah ouais, c'est sûr que je joue à domicile. À la maison, il est incroyable. Matty Ice, comme qu'il l'appelle. Et puis, il est comme l'inverse un peu de... Tu sais, le match est au Lambeau Field, ça serait pas la même chose. Non, il y a la magie du Lambeau Field. Malheureusement, on l'aura peut-être pas cette année avec la mauvaise fiche des Packers, mais écoute, déjà qu'ils sont en série, c'est quand même ouais. Bon, là. Donc, le jeu au sol, qui va être surtout de surveiller dans ce match-là. La récré des Packers, je me souviens plus de son nom, là, mais il était assez incroyable la semaine passée. Puis t'as toujours l'excellent porteur de ballon des Falcons là, qui va ramasser tout sur son chemin. Donc excellent fin de semaine encore. Du côté de Green Bay, là, je pense que tu parles de Jim Parks. Exactement. Merci. C'est une recrue et qui il y a un texte quand même intéressant de la Société de Presse RDS sur Starks, mais justement c'est de voir est-ce qu'il va être capable de réitérer ses exploits de la semaine passée. Je suis moins sûr un peu pas mal moins sûr. Donc JP. Oui. Merci beaucoup. Ben, pas de trouble les boys. Ouais, pas de trouble. Donc on se reparle. On se reparle bientôt là, peut-être le lundi, sinon vendredi, tout dépendant. Et, bon, ouais, parfait ça. On regardera ça. Ben, bonne fin de semaine. On regardera qui l'a emporté. All right. C'est bon, salut JP. Donc c'est pas mal. Ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Vous merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mentionnons que ben oui. lundi prochain, on est en studio. Et on va l'écouter dans quelques secondes. Bob Bissonnette va se joindre à nous. Bob Bissonnette, chanteur qui chante entre autres de Meditape sur ma palette, Chris Chelios et Hockey dans la rue. Donc, on va faire un mix avec lui. On va avoir Bob. Il va nous jouer des chansons. Il devrait être là vers 10h15 environ dimanche. Pas dimanche. Il sera en spectacle lundi soir à Chasse. À la Chasse Galerie. Pour une deuxième fois en l'espace de 2 mois. Beaucoup de fois avait rempli la place. Et ça a l'air fou, c'était assez dément. Incroyable. C'était fantastique. C'était succulent. Donc, Superbe. Génial. Et on va arrêter avec nos superlatifs parce qu'on en dit un peu trop et être à la maison, je me trouverais désagréable. Si vous voulez nous lire ou nous contacter en studio, c'est le live à commercial inconduitedeparti.com et notre site avec nos chroniqueurs et de plus en plus réécouter les émissions www.inconduitedeparti.com. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. On vous souhaite une bonne fin de semaine et beaucoup de sport fin de semaine. On vous rappelle Patriotes ce soir contre JJ's d'Ottawa, 19h15 au Colisée Mongrain. Merci beaucoup tout le monde et bonne semaine. Bonne fin de semaine. À lundi. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette. De pouvoir sortir mon bâton pis t'épuiser ma palette. En arrivant de l'ouvrage, prends mon stock dans le